T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff. Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. We are as monster. KLSU. Nord au sud, est en ouest, ouais. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU for Charlie. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, comment maintenant? Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Planète Indie, comme chaque premier samedi du mois, entre 17h et 18h30, c'est Pierre avec vous. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 430, en ce samedi 1er mai, journée de la fête du travail. J'espère que vous n'y êtes pas, que vous êtes sur votre terrasse, sur votre transat, dans votre canapé, peut-être en train de siroter un bon cocktail, pourquoi pas. En tout cas, où que vous soyez, eh bien, ne changez absolument rien au niveau de la fréquence radio. Vous êtes sur ce que vous pouviez trouver de meilleur à cette heure-ci. On va vous faire découvrir donc le meilleur de la musique indépendante, le meilleur de la musique alternative. Nous aurons aussi notre capsule culturelle avec découverte BD. Et un grand retour ce mois-ci dans le monde de la BD. Une héroïne qui revient, je ne vous en dis pas plus. On aura notre powerplay, on ira faire un tour sur la programmation de nos partenaires salles de concert, mais ça va être encore fort limité ce mois-ci. Et puis voilà, c'est déjà pas mal, hein. Alors, je vous propose de commencer en musique avec deux nouveautés qu'on n'a encore jamais entendues dans cette émission. The Giving avec Sick. J'espère que vous ne mettez pas vous malade. Et avant cela, le Nielsen Southern Harmony, Pray Like You Mean It. Deux nouveautés pour commencer cet épisode numéro 430 de Planète Indie. Nous sommes ensemble sur RGL, donc chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30. Et puis nous serons rediffusés aussi demain aux mêmes heures. Voilà, et puis on aura aussi un podcast sur notre site internet. Je vous donne déjà l'adresse du site internet, www.ilovemusic.ga. Et puis si vous voulez nous rejoindre directement sur internet pour nous écouter, c'est planetlive.ga. Voilà. Allez, place à la musique pour commencer cet épisode musical. Put your faith in snake oil till the taste is getting stale. You put your trust in politics that only seem to fail. Now might be the time to drop down to your knees and pray like you mean it. Pray like you mean it. Place your bets on Armageddon, and you play hell to win. Sell the message of the good book, take the profit out in sin. Now might be the time to drop down to your knees and pray like you mean it. Pray like you mean it. Pray. Saying words without the wisdom that have no real support. From deep down conviction, you have one last resort. Now might be the time to drop down to your knees and pray like you mean it. Pray like you mean it. Turn your shoulder to a destiny that awaits you when you're gone. All that flirting with the hatred, misery has preyed upon. Now might be the time to drop down to your knees and pray like you mean it. Pray like you mean it. Pray. You mean it. Pray like you mean it. Pray like you mean it. Pray like you mean it. Still, you're on. Voilà, on a commencé ce 400e épisode de Planet Indie avec le groupe Nielsen Southern Harmony Pray Like You Mean It, et puis à l'instant The Give In avec un morceau qui s'intitule Sick. Un de nos prochains powerplay, ce sera indubitablement le projet de Art Noir avec un très bon album qui s'appelle Poems of an Extinct Species. Eh bien, je vous propose d'en écouter un extrait en avant-première, on va dire déjà aujourd'hui, c'est le Wasted Life Remix du morceau Moving Sky. Je vous rappelle donc son nom, c'est Art Noir et c'est chez nos amis de Anemos Records. Of fire. sera probablement notre power play au mois de juin. Le projet de Harpe Noire et le Wasted Life remix de Moving Sky. D'ici 3 bonnes minutes, eh bien, nous allons partir à la découverte de notre album Power Play, qui nous emmènera aussi du côté des États-Unis. Avant cela, on va monter un peu plus haut dans le nord, du côté de la Suède, avec un groupe qui s'appelle Lazy Afternoon. Ils m'envoyaient chaque fois leur nouveau single. Je ne les passais jamais parce que je trouvais que c'était pas assez abouti, qu'il manquait un petit quelque chose. Mais celui-ci, eh bien, il est un petit peu mieux, un petit peu plus de qualité que d'habitude. Il s'appelle Trapped. Eh bien, je vous propose de l'écouter, et puis donc dans 3 minutes, nous partons à la découverte de notre Power Play pour cet épisode numéro 430 de Planète Indie. I'm a simple guy. Got my life on rails, friends and job and a place to live. Traveling forward on a happy trail, satisfied with what every day can give. Needed no one, but I fancied some. Always wanted and needed a lot of space. I never thought that the day would come when life would hit me in the face. When fate crossed our paths, I fell right from the start. You stole your way to me, went straight for my heart, and so you seized me. But now you set me free and tearing us apart. So will you release me? Now my life is ruined and it's upside down, drifting round and round, lost a hold on life. I'm a wanderer without goal in town, looking for a way to end the strife. When fate crossed our path, I fell right from the start. You stole your way to me, went straight for my heart, and so you seized me. But now you set me free and tearing us apart. So will you release me? You stole your way to me, went straight for my heart, and so you seized me. But now you set me free and tearing us apart. So will you release me? Voilà, en gros, c'est de la country music européenne, en gros de la folk music suédoise. Le groupe Lazy Afternoon et un morceau qui s'intitule Trapped. Ben, si vous passez une Lazy Afternoon, puisque c'est jour férié aujourd'hui, eh bien, on vous la souhaite excellente, bien entendu. Et on est là pour vous faire passer eh bien, un bon moment, 90 minutes agréables de musique et de découvertes musicales et culturelles de qualité. Il est 17h20 sur le fuseau horaire de Planète Indie. Peut-être qu'on nous écoute sur un autre fuseau horaire. Je vois que nous avons des visiteurs, notamment des États-Unis. On leur souhaite la bienvenue. Et bien, nous allons partir à la découverte de notre album Power Play à 7h. C'est à peu près le moment habituel. Je vous ai dit qu'il allait nous emmener aux États-Unis. Ben oui, j'ai choisi de vous proposer aujourd'hui Steve Yannick. Steve Yannick est né dans la ville ouvrière de Youngstown, dans l'Ohio. C'est là que son père, son grand-père et même son arrière-grand-père ont tous travaillé pendant plus de 70 ans dans les aciéries de Mahoning Valley. C'est ainsi que le petit Steve a été élevé avec un sens aigu de la débrouillardise qui lui sera bien utile tout au long de sa carrière. mais aussi avec une grande éthique professionnelle qu'il a apportée dans sa musique dès son plus jeune âge. En fait, dès qu'il a eu en main une guitare, et c'était à l'âge de 13 ans. Quand il a eu 17 ans, eh bien, il avait déjà attiré l'attention en tant que musicien dans la région où il vivait, la région des Grands Lacs. Son style, ses influences, les sons qu'il recherchait étaient ceux des Eagles ou de Jackson Browne. Steve a ensuite déménagé vers la Californie, et vers Los Angeles plus précisément, où il est devenu une figure familière de la scène folk locale au début des années 80. Donc vous voyez, on parle de quelqu'un, c'est pas un perdreau de l'année, hein. Il a déjà une belle carrière devant lui, notamment grâce à ses prestations dans des endroits comme le Maccabi's Guitar Shop, le Club Palomino ou encore le Banjo Café. Les deux derniers, en tout cas, ce sont trois endroits légendaires, mais les deux derniers n'existent malheureusement plus à l'heure actuelle. L'album de Steve Janek s'intitule Across the Landscape. C'est son tout premier album. Mais oui, je vous ai dit que c'est pas un perdreau de l'année, qu'il était déjà actif dans les années 80. Et pourtant, c'est son premier album. Et bien, vous comprendrez pourquoi si vous nous restez fidèles jusqu'au bout de cette émission. Je vous en propose un premier extrait. Ça s'appelle Dance With You. C'est donc extrait de notre power play aujourd'hui dans Planet Indie, cet album de Steve Janek intitulé Across the Landscape. Power play. Power play. Out of the shadows, into the light, out of the darkness, and into the night. No rhyme or reason, ain't no questions asked. It's only me, and it's only you. Sometimes things can happen fast. I wanna dance, dance, dance. That's all I wanna do. I wanna dance, dance, dance. Darling, dance with you. Darling, dance. Darling, dance with you. Darling, dance. Darling, dance with you. Darling, dance. Darling, dance with you. Run in the moonlight, glide in the air. Go until daybreak, dare not to care. Ain't making excuses, ain't making excuses. Ain't looking for proof. Just give me your hand, I'll give you my hand. Ain't nothing but hard truth. I wanna dance, dance, dance. That's all I wanna do. I wanna dance, dance, dance. Darling, dance with you. We'll be right back. Hey, this is Derek Thompson from Strive, and you're listening to Planet Indie. Hey, this is Larry from Promise Lab, and you're listening to Planet Indie. Hi, my name is Anya Parker-Lentz, and you are listening to Planet Indie. My mind where the waves of brine come welling up from under a changing line where the tide reaches. I want to hold my truth so the blaze of youth can work me fully over an open fire on the white beaches of you. This October and gather storms to the high places of you. Renseigner hein, s'il fait partie de la famille parce qu'il s'appelle Robbie Rothschild, comme il faudrait dire à la mode américaine. Son morceau s'appelle Untie Me, ça veut dire délie-moi, ben, délie-moi des ennuis, des embêtements. C'est la plage d'ouverture de son EP qui s'appelle simplement Robbie Rothschild. Ben, ça, je vais peut-être me renseigner un peu sur ses origines, voir un peu s'il est lié à la famille en question, parce que bon, on sait que ce sont des gens qui sont actifs dans pas mal de domaines, hein, dans le monde financier bien entendu, mais aussi dans le domaine du tourisme, de l'hôtellerie, de l'agriculture, des courses de bateaux, donc c'est assez varié. 17h32, vous écoutez Planète Indie, nous sommes ensemble jusqu'à 18h30, comme chaque premier samedi du mois. Nous allons voir en vitesse, ben je vous dis en vitesse parce qu'il n'y aura pas grand chose à en dire, ce qui est encore maintenu au programme des festivités chez notre partenaire de la Rocale. Alors le 7 mai, ça nous mène vendredi prochain, si je ne m'abuse, jeudi ou vendredi, je pense que c'est vendredi, le Quest Freestyle Challenge, c'est un événement qui se passera en ligne, donc pas d'événement sur place. Idem pour le Be a Hero, c'est le lendemain, c'est organisé par le Rock Lab, c'est aussi un événement sur internet. La venue de Yes, malheureusement, elle est carrément annulée, ça devait se passer dimanche prochain le 9 mai, on en est tout mari. Sont encore à l'affiche, eh bien, Tiff Barrow, prévu pour le 12 mai, Jana Nanindi le 22 mai, et les Ogres de Barbac le 28 mai. Bon, évidemment, sous réserve des décisions gouvernementales liées donc à la situation épidémique. Il n'y a pas besoin de vous faire un dessin, vous savez ce qu'il en est. On ira voir un peu nos autres partenaires, à savoir la Culture Fabrique et l'abbaye de Neumünster un peu plus tard pour le retour à la musique avec Beauty in Chaos, qui est accompagné pour l'occasion de Ralph Perlman. Ils nous interpréteront le morceau Temple of Desire, et puis après ce sera le retour de Giovanni Zorzi. Enfin, je dis le retour parce qu'on l'a découvert le mois dernier avec un morceau. C'est un des musiciens de notre ami Robert Buczynski. Il est sorti son album personnel et on aura même un exemplaire à vous faire gagner. Donc, si vous aimez sa musique, restez à l'écoute. C'est pour dans quelques minutes. Tout de suite, donc, le Temple of Desire par le groupe Beauty in Chaos. We'll be right back. rappelle leur nom, ils s'appellent Beauty in Chaos. Ils nous interprétaient le morceau Temple of Desire et ils étaient accompagnés, pour l'occasion de Raph Perlman. Dans quelques minutes, eh bien, retour sur notre album Powerplay, l'album Across the Landscape de Steve Janek. Je vous ai mis une vidéo, la vidéo du morceau Right in Front of You. C'est un morceau qu'on n'écoutera pas aujourd'hui, parce qu'on en a d'autres à vous proposer. Je vous l'ai mise donc sur notre page Facebook. N'hésitez pas à nous rejoindre d'ailleurs sur notre petit groupe Facebook. On est à peu près 200, c'est sympa. Vous tapez simplement Planet Indie dans Facebook et vous nous retrouverez. Vous pouvez aussi passer via le site internet de Planet Indie, c'est ilovemusic.ga. Et vous retomberez, il y a des liens directement vers notre groupe. N'hésitez pas à nous rejoindre, comme ça vous serez tenu au courant de toutes les nouveautés et vous aurez les rappels, notamment pour les émissions. On va poursuivre donc avec un extrait du nouvel album. Je sais pas, je pense que c'est son premier. En tout cas, c'est le nouveau, ça c'est sûr. Et le nouvel album donc de Giovanni Dorzi dont on avait écouté un extrait la semaine dernière. C'était un extrait en MP3 qu'il m'avait envoyé, mais là j'ai reçu l'album en version physique. L'album s'appelle Born Again, il comprend 12 morceaux, il est pas mal du tout. C'est de la musique pour aller danser, hein, ça je vous le dis tout de suite. Je vous propose d'écouter un morceau, ça s'appelle Life is Funk. Et ben, on ne peut que lui donner raison. Et puis si vous aimez, eh bien, j'ai un exemplaire de cet album à vous offrir. Vous me donnez un petit coup de téléphone au 26 54 00 44, 26 54 00 44. Je vais même pas faire de questions, c'est simplement si ça vous intéresse, eh bien je vous offre cet album. 00 352 26 54 00 44. Je vous avais dit que c'était pour danser, hein. Giovanni Dorzi, Life is Funk. This is Davis from Savage Peace, and you're listening to Planet Indie. See, in my language, we would say Planet Indie, but I think it might be more like, hi, I'm Derek from Social Science, and you're listening to Planet Indie. Planet Indie? Hi, this is Arda and the Stolen Moon, and you're listening to Planet Indie. Sunlight blessing the bricks and stones. Gulls cry, gleaming off of a silver plane in the blue sky. Does it get any better? It could always get worse. Shimmer over the city, all so bright and true. The first whisper of summer calling, and the last shrouds of winter falling. Sunlight blushing the glass and stone, pale fire gleaming off of the office blocks, blue sky. Could it get any better? It could always get worse. Shimmer over the city, all so bright and true. Sheathing its claws again, pale fire. Does it get any better? It could always get worse. Shimmer over the city, pale fire, bright and true. Voilà, c'était le groupe The Room in the Wood et un morceau intitulé Shimmer. Avant cela, donc, Giovanni Zorzi, Life is Funk. Et puis, dans les petits jingles que je vous ai passés entre les deux morceaux, vous avez peut-être remarqué qu'il y avait le dernier, c'était Arda and the Stolen Moon qui vous souhaitait une bonne journée et vous se présentait à vous. Son nouvel album, son second album est paru. On devrait l'avoir, j'espérais l'avoir à temps pour en diffuser un extrait aujourd'hui, mais malheureusement, les liaisons postales entre Chypre et l'Europe, en tout cas la Belgique et le Luxembourg, ça a traîné un petit peu, donc je ne l'ai pas eu à temps. Par contre, on aura peut-être le temps, en fin d'émission, j'étais un peu plus court au niveau de la playlist aujourd'hui, on aura peut-être le temps d'écouter un bout d'un de ses morceaux. Je sais qu'il est disponible sur YouTube. On verra bien ce que ça donnera. Pour l'heure, eh bien, retour sur notre album Powerplay, l'album de Steve Janek, un album intitulé Across the Landscape. Je vous ai mis donc un morceau sur notre groupe Facebook et puis on va reprendre un peu la petite histoire de Steve Yannick. On s'était quitté à l'époque où il jouait à Los Angeles dans les clubs, et je vous avais cité notamment le Maccabi's Guitar Shop, le Club Palomino ou encore le Banjo Café. Un soir, alors qu'il jouait dans un club proche du campus de l'UCLA, donc University of California Los Angeles, il a attiré l'attention d'un manager, Derek Bowman. C'était un Anglais qui s'occupait de la carrière de David Essex. Peu après avoir signé avec lui, le voilà donc en route pour Nashville pour enregistrer un album, puisqu'il avait pu se dégoter entre-temps à la fois un contrat d'enregistrement et un contrat d'émission. Malheureusement pour lui, eh bien, l'affaire ne s'est jamais faite. Et le voici donc de retour à Los Angeles, où il se rend très vite compte que le monde de la musique évolue et change très rapidement. En parallèle avec la montée en puissance et en popularité de MTV. Cette évolution, où le style a plus d'importance que le contenu, eh bien, ça ne convenait pas du tout à la philosophie de Steve. Et donc, suite à l'échec d'un second contrat d'enregistrement, donc, eh bien, il quitte à nouveau Los Angeles et la Californie. C'était, dit-il, pour lui le seul moyen de survivre, à la fois en tant que personne et en tant que musicien, tant sa conception de l'art de créer de la musique était en opposition avec le business du monde musical à cette époque. Comme vous voyez donc, il n'a pas eu une carrière en ligne droite dans l'ami Steve Yannick. Il a un peu galéré. Et là, on est encore... je vais dire qu'au début, non, on n'est pas vraiment au début, mais vous allez voir par après, on verra ça tout à l'heure, eh bien, que ça a été vraiment encore en dents de scie par la suite. Eh bien, je vous propose d'écouter un second morceau. Ça tombe bien, ce sera la plage numéro 2. Steve Yannick, extrait de son album Across the Landscape. On va écouter donc le second morceau. Ça s'appelle Right in Front of You. C'est notre power play aujourd'hui dans Planet Indie. Power play. Power play. There's no carving out your life across this landscape. You're not willing to be truthful with yourself. You keep spinning round and round in the same place and blame somebody else. Oh, yeah. You get so caught up in the curse of repetition. You'll start changing only for the sake of change. Every time you're weighted down by situations, it's time to rearrange. All right. Oh, yeah. Well, I know you know the difference. Each time we change our point of view, can't compensate the distance when I'm right in front of you. There's no going back and hiding in our corners, only coming out to wrestle with the past. Stumbling around this hazard occupation of love that never lasts. It never lasts. Yeah. of you can't compensate the distance when I'm right in front of you. Il s'appelle Steve Janek et il nous interprétait le morceau Right in Front of You, cet extrait de son album Across the Landscape, qui est notre powerplay dans Planet Indie pour cet épisode numéro 430. Au niveau de la programmation, si on continue le tour des salles, allons voir un peu du côté de la Culture Fabrique. Il y a encore quelques dates qui sont prévues, notamment vendredi prochain à 20h, le Air Check Metal Edition. C'est la nouvelle date. Puis il y a un petit vide, même un grand vide, puisque la prochaine date que je vois renseignée, ce sera le jeudi 27 mai avec Antonia Jiménez et son Flamencas Trio. Et comme vous pouvez vous en rendre compte, ce sera de la musique latine, voire hispanisante. Le 28 mai, Sin Permiso, c'est le concert de Ana Morales, mais il est déjà complet. Alors, vous pouvez vous rabattre sur le jour suivant, donc le samedi 29 mai. Je vois deux événements, le Altingun et le Cruces de José Manuel Alvarez. Et puis, fin de mois très agité, puisque on reste dans le domaine du flamenco. Vous aurez le Flamencloon, c'est la compagnie Laura Vital. Ce sera le dimanche 30 mai à 16h, mais là aussi, c'est de nouveau complet et c'est donc dans le cadre du festival Flamenco Festival Esch 2021. Ça se passe donc à la Culture Fabrique le 30 mai à 16h et c'est complet. On poursuit en musique avec Swift Breakery, 60 Going Nowhere. Et puis on écoutera ensuite Glass Museum, ce groupe belge qu'on avait découvert lors de leur venue ici il y a 2-3 mois, je pense, pour ces fameux concerts tests à leur local. Glass Museum, on les écoutera avec un morceau intitulé Abyss. Tout de suite, Thrift Bakery, 60 Going Nowhere. We're approaching 60. Baby, I can't kick you. Disregard the numbers. Now you know my name. 60 going nowhere. Disregard the numbers. 60 going nowhere. Baby, I can't kick you. Going nowhere, baby. can both accelerate. Better get out of my way. If you go to 60, control direction. 0 to 60, better get out of my way. Going nowhere, baby. Better get out of my way. c'est un super morceau. On a du mal de couper avant la fin. On arrive pratiquement au bout. Je voulais profiter de la fin du morceau pour vous, pour entamer la chronique BD, mais je vais quand même le laisser jusqu'au bout. Voilà, il est terminé. C'était donc ce groupe belge Glass Museum avec un morceau intitulé Abyss. Bon, bah, comme je vous l'ai dit, je vous ai vendu la mèche. Chronique BD pour à 7h. Il est 18h10. Aujourd'hui, eh bien, je vous fais découvrir le volume 14 des aventures de Rubin. Ce volume s'intitule Serial Lover. Le résumé est le suivant. Bourbonville, paroisse de Louisiane cernée de bayous, s'apprête à vivre l'événement mondain de l'année, le mariage d'Eileen le Rouge avec Trevor Smith. La soirée s'annonce festive et grandiose, mais à l'instant fatidique, le futur marié et sa famille disparaissent mystérieusement. Les pistes suivies par le shérif local ne font qu'épaissir le mystère. Le seul Trevor Smith dont on retrouve la trace est mort depuis des mois. Les années passent lorsqu'un jour Eileen reconnaît l'oncle de Trevor dans une publicité à la télévision. L'une des amies de la famille, l'influente Madame Dorset, demande à Rubin de démêler cet écheveau. Son enquête épineuse va l'amener aux quatre coins du pays sur les traces de ce serial lover et de ses précédentes victimes, qui vont de la latina explosive aux griffes acérées, à la paranoïa solitaire et à la gâchette facile, sans compter tous ceux qui ne veulent pas que Trevor réapparaisse un jour. Le personnage de Rubin, jolie jeune femme à la chevelure rousse flamboyante, enquêtrice de la police de Chicago, efficace et sans compromission, n'en est pas à sa première enquête. La série a été créée en 1993 par le scénariste mythique et le dessinateur François Valtteri. Ce dernier est connu pour avoir collaboré avec Peyo pour les Schtroumpfs ou Benoît Brisefer, notamment, mais surtout pour avoir créé la saga consacrée à une autre jeune femme sexy en diable, blonde et à qui la mini-jupe va comme un gant, l'hôtesse de l'air Natacha. Même si Valtteri n'a actuellement plus le temps de dessiner lui-même des aventures de Rubin, on retrouve bien son style dans les illustrations de Bruno Di Sano, qui a repris avec succès cette tâche depuis 2009. Dans cette nouvelle enquête, Rubin aborde un thème plus que jamais d'actualité, les dérives et les dangers que peut faire courir la recherche de l'amour. Le scénario, pour pouvoir tenir en 48 pages, ne pouvait échapper à quelques raccourcis, mais cette contrainte a permis de garder un rythme soutenu à cette intrigue. Bien que peu complexe, elle se permet d'emmener le lecteur dans une direction insoupçonnée et lui offre plusieurs rebondissements mêlant adroitement les rôles de coupable et de victime, et ce, même si les protagonistes se montrent tout autant hyper-typés, voire caricaturaux, qu'attachants. Le dessin et les couleurs sont on ne peut plus classiques, dans un style semi-réaliste caractéristique. Les femmes squattent tous les premiers rôles, elles sont belles, sympathiques, ont de l'humour et du caractère, il y en a pour tous les goûts. En conclusion, ne vous fiez pas à la couverture épique de ce 14e album. Les épreuves que va devoir traverser Rubin avant de boucler avec succès son enquête tendent la plupart du temps à s'estomper devant les énigmes cérébrales à résoudre avec une touche de psychologie et d'instinct. Il n'y a cependant pas de temps mort et on frétille de plaisir en suivant ses pérégrinations. C'est une excellente idée qu'ont eu les éditions du Tiroir de ressusciter cette collection qui était en pause depuis 2011. Elle constituera une agréable découverte pour ceux qui ne connaissaient pas cette superbe rousse et donnera lieu à de belles retrouvailles pour ses intimes. Je vous rappelle donc le titre de cet album, Serial Lover, c'est le volume numéro 14 des aventures de Rubin. C'est sorti aux éditions du Tiroir, c'est dessiné par Di Sano sous la supervision de François Valtteri. Et au scénario, on retrouve Mythique, et c'est tout à fait récent puisque c'est sorti au mois de mars 2021. Je vous mettrai la conclusion sur notre page Facebook ainsi que la couverture de cet album et la fiche de lecture sur notre site internet www.ilovemusic.ga. Pour le retour à la musique avec Tony Ellis, je vous parlais de Arda and the Stolen Moon tout à l'heure. En parlant de Moon, on y reste puisque le morceau s'appelle quant à lui Moonshine, Tony Ellis. Light spreads to the night.

beaucoup d'instrumentaux. Hein. Dans l'émission de ce soir, à l'instant, c'était Bera Carlson et un morceau intitulé Missing You. C'est vrai que bien, vous aussi, vous m'avez manqué au cours de ces semaines qui ont précédé cette émission. Alors, en ce qui concerne la prochaine émission, ce sera le mois de juin, puisqu'on est déjà au mois de mai. On a déjà passé le tiers de cette année 2021, c'est effroyable. Ce sera le 3 juin, samedi 3 juin, 17h, 18h30 sur cette même fréquence, celle de RGL 96.6 en FM. Vous pouvez nous écouter sur le câble télédistribution Luxembourg en Belgique. Vous pouvez nous écouter via internet sur le site de RGL ou le site de Planète Indie, www.rgl.lu, www.ilovemusic.ga pour Planète Indie, et pour nous écouter directement, c'est planetlive.ga. Vous nous retrouvez aussi sur Facebook, bien entendu. Allez, il est grand temps de retourner sur notre album Powerplay, l'album Across the Landscape de Steve Janek. Je vous avais dit qu'il a, tout à l'heure, on s'était quitté au moment où il quittait. Il avait décidé de faire un break avec le monde de la musique parce que MTV arrivait, c'était la musique commerciale, la forme comptait plus que le fond. Le voici donc dès lors de retour dans l'Est, sa région d'origine. Il est originaire de l'Ohio, on l'a dit tout à l'heure, et il s'est établi en Pennsylvanie, cette fois-ci, où il a travaillé comme charpentier, cheminot, ingénieur et même propriétaire d'une entreprise de construction. Il a, pendant ce temps-là, il a quand même trouvé le temps à cette époque, au milieu des années 90, de créer une maison de disques qui s'appelle Primitive Records, un petit label indépendant qui a notamment lancé la carrière musicale de Yvette and the Jelly Bricks. Il s'est aussi essayé au management d'artistes, mais est avant tout resté un auteur-compositeur. Tout ceci lui a donc permis de rester en contact avec le monde de la musique, de se développer en tant qu'artiste et de pouvoir enfin proposer son premier album, Across the Landscape, pour lequel il a collaboré avec notamment le guitariste Jeff Pevar. C'est un vétéran, lui, qui a notamment joué dans le groupe de David Crosby, CPR, pour Crosby, Pevar and Raymond. Il a aussi joué avec Crosby, Stills and Nash, Joe Cocker, Kenny Loggins, Wilson Pickett, Meatloaf, Phil Collins ou encore Willie DeVille. Bon, là, on n'est pas en train de... Le but n'est pas de retracer la carrière de Jeff Pevar. Mais bon, c'est pour vous dire qu'il a quand même réussi à le convaincre de travailler avec lui. Et je pense que vous avez pu vous rendre compte dans cette émission avec les morceaux que je vous ai proposés, eh bien, que cet artiste nous proposait de la musique de qualité. Eh bien, on va encore écouter un troisième et dernier extrait pour ce soir. Ça s'appelle All I Ever Wanted par Steve Janek. C'est notre powerplay, cet extrait de son album Across the Landscape. Powerplay. Powerplay. Powerplay. Powerplay. Powerplay. I love you. such a short while, and how much it means to me every time I see your smile. You're all I ever wanted, you're all I ever dream about, you're all I ever need in my life, and I know I can't live without, I can't live without. Un peu pris par le temps, cette fin d'émission, on doit couper un tout petit peu Steve Janek parce que je dois encore vous parler des concerts à Neumünster. Demain c'est complet, 5 mai, mais c'est pour les enfants Sand Colors. Le 16 mai à 11h, c'est toujours les apéros de jazz. C'est Ro Gebhardt International featuring Alec Gebhardt et Jean-Marc Robin avec comme invité spécial Armino Ribeiro. 16 mai, 17h, Sing Your Hit. 31 mai à 11h, mais c'est de nouveau complet, les apéros jazz, le Oleo Trio de Otro Mundo. Et celui de demain, bien qu'il est complet, je vous l'annonce quand même, c'est le Synoptic Quartet. Voilà, on a encore un morceau à écouter. Elle s'appelle Brandy Vezina. On va la lancer tout de suite pour ne pas perdre trop de temps. J'étais très heureux de passer ce début de soirée en votre compagnie. J'espère que vous avez apprécié la programmation musicale. Je vous retrouve donc le 3 juin pour l'épisode numéro 430. Le podcast sera disponible sur notre site internet dès ce soir. Prochaine émission en français samedi prochain aux mêmes heures. Et puis vous pouvez nous rejoindre aussi sur Facebook, bien entendu. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end. Et je vous retrouve donc le 3 juin pour l'épisode numéro 431 de Planète Indie. D'ici là, eh bien, bonne soirée et portez-vous bien. Et on se quitte donc avec Brandy Vezina. Walk away, bah, c'est aussi ce que je vais faire tout doucement. Je vais m'en aller. À bientôt. Making every